Comment le savoir donne-t-il du pouvoir? On oppose parfois deux types de savoir et on les oppose d'une certaine façon par rapport au pouvoir qu'il nous donne ou qu'il ne nous donne pas. D'un côté, il y a le savoir au sens pratique du terme. Ce sont les savoir-faire. Ce sont justement les pratiques. Et ici, le savoir est un pouvoir. Si je dis que je sais cuisiner, c'est que je suis capable de cuisiner. C'est que je n'ai pas seulement un savoir théorique de la cuisine. Je peux avoir lu tous les livres de cuisine qu'on veut, mais savoir cuisiner, savoir pratiquer un sport, savoir nager, savoir vivre, c'est au fond d'abord une pratique, une capacité et un pouvoir. Cet usage du verbe savoir est donc très profond dans la langue et dans la vie des humains. Mais d'un autre côté, on pense à une science, un savoir fondé, un savoir théorique qui est absolument nécessaire et on a tendance à le couper du pouvoir. En effet, savoir pour savoir, connaître, c'est connaître les fondements d'une manière désintéressée, savoir par exemple les fondements de la cuisine. Alors là, il faut passer par la chimie, savoir ce qui se passe quand on trempe du sucre dans une tasse de café, par exemple. C'est pour soi-même et ce n'est pas, on veut le savoir pour soi-même et pas pour avoir un meilleur café, même si il peut y avoir des applications pratiques et des enjeux, y compris politiques, dans la détention de ce savoir théorique. C'est pourquoi, d'une certaine façon, certains philosophes ont critiqué l'idée d'un savoir pur. Et de fait, aucun savoir n'est tout à fait pur et la détention de la science théorique, de la connaissance, même si on la recherche pour elle-même, est toujours un enjeu entre les humains, un enjeu de pouvoir, non pas au sens d'un pouvoir-faire, mais au sens d'un pouvoir dominé, d'un pouvoir inclus dans une pratique sociale et politique. Mais faut-il pour autant critiquer le savoir au nom du pouvoir qu'il nous donne? Faut-il réduire le savoir à cet enjeu de pouvoir dominateur, comme l'ont fait quand même certains au cours des années 60 et 70, et encore dans sa première théorie, Bruno Latour, quand il a critiqué la science comme instrument avant tout de pouvoir et de domination des humains et de la nature. Au fond, la première dimension du verbe savoir, dans les pouvoirs positifs qu'il nous donne, les capacités, ce qu'il nous permet de faire, le savoir-faire et le savoir-vivre, nous donne une autre orientation. Peut-être que le véritable lien entre le savoir et le pouvoir. C'est d'abord un lien d'indépendance partielle. Oui, je dois apprendre quelque chose pour lui-même. Même apprendre à cuisiner, par exemple, cela passe par la maîtrise de certaines règles, de certains principes, de la nature elle-même des choses. Mais au-delà de cette nature pure du savoir qui va vers la science, il y a du pouvoir, mais alors dans les deux directions. Il y a en effet un usage négatif du pouvoir pour la destruction, mais aussi un usage positif du pouvoir pour ce qu'on appelle la mise en capacité par le savoir, par des savoirs qui irriguent nos pratiques, pour résister au savoir qui nous domine, et cela par le savoir et par la science. Oui, il y a un lien entre le savoir et le pouvoir, pour le pire, mais aussi peut-être pour le meilleur.